d'aussi loin qu'il me souvienne. Je n'ai fait que détruire en moi la fierté d'être homme. Et je déambule à la périphérie de l'espèce comme un monstre timoré, sans assez d'envergure pour me réclamer d'une autre bande de singes. Alors, fébrile, je sors de ma forêt et prends le monde hostile en pleine gueule, fait d'obscurantisme, d'épitaphes et de linceul. Mais j'y voyais bien plus clair dans ma sombre forêt. Je revais mon costume comme un blindage socialisant, glabre, mais paraît-il séduisant. Je rase ma barbe qui fait peur, fit table rase de mes regrets au profit de mes humeurs. Forêt.